nadie mona na te na zoto. Oh lili, zoto zala kande moye wo. Sante kese ni mingi, moya kae baby pona lili e. Tato kotolo ba mona linga basi, maladie mona na te na zoto. Na sala na baby motema chéri oh na monoko pasi ngoboye nyongo nini na defai na le manko futa na sililo lendo chéri oh oh lili oh na ta lili oh. Oh, mama. nzoto wapi mwanye ye lokola nga chérie sentiment macaronier li bakuna kabeta se kambeli liye nzoto nanga mama se kambeli liye li sala nanga na bato se kambeli liye lola mama makoma ya chérie o mate mama mama la main dans la main, l'amour est légué. Pour maman, maman, plaisir est gagné. Chérie, à bébé, c'est comme mon thème. Chérie,